Non, je veux pas d'éclairage, mais non, pas d'éclairage. Non, je veux rien savoir, mais garde ça simple, man, parce que. Non, garde ça simple. Parce que je découle du style comme du liquide, avide de style comme mon ami David, Cooley, rapide comme l'intrépide de Chrysler, number one breakdancer. Breakdance forever. Yo, Cooley, fais-moi une faveur. Bosse un windmill pour ceux qui portent le hip-hop dans leur cœur, puis v'là un finger.